Et Flo qui me dit, je te prépare un dessert. Alors, je dis, non, c'est pas la peine. Et elle me prend un raisin de Corinthe. Et alors, je prends un raisin de Corinthe. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon, un raisin de Corinthe, voilà.